Saint-Étienne Antifa. Ils n'ont pas de problème de circulation Par contre, c'est les travailleurs qui ont des problèmes de circulation dans les pays. C'est les travailleurs qui sont victimes de leur politique. Et nous, on combat cette politique. On combat cette politique qui désigne l'étranger comme le responsable de tout. Alors oui, vous qui êtes au balcon, vous qui êtes sur les trottoirs, il faut mener ce combat autour de vous, tout simplement. Mener ce combat pour dire on n'est pas différents les uns des autres, qu'on soit noir, blanc, ou n'importe quoi, qu'on vienne d'Afrique, d'Asie, d'Europe, de l'Est, ou n'importe où, on est des travailleurs. Et ces travailleurs, eh bien, c'est nos frères, c'est nos frères. On combat avec eux, on met des manifestations avec eux. Les manifestations d'Afrique, d'Asie, c'est des travailleurs qui luttent pour leur bien-être, pour développer des droits, comme nous on le fait ici en France, comme nous on le fait en Europe. Alors oui, camarades, cette manif, elle est là pour dire ça. Elle est là pour dire ça. Il n'y a pas d'étrangers ici dans notre pays. Il y a des travailleurs. La jeunesse en mer, la Front National.